Bonjour à tous et bienvenue dans le menu étudiant. Il est 19h30, on est vendredi, bientôt le week-end. Je sais que tout le monde l'attend impatiemment et moi le premier. Aujourd'hui, on a une émission super chargée puisqu'on a la chance d'accueillir Jason qui va nous faire le topo média comme chaque semaine. Comme chaque semaine, il y a des bonnes infos et des moins bonnes. Ça marche, bon, on verra ça tout à l'heure. Rabia qui va nous parler d'un bon plan étudiant. Ça va bien, Rabia ? Salut, tout va bien. Tout va bien. Edison, toi aussi, je sais que tout va bien. Tu vas nous parler de zone de gratuité, c'est dimanche au CG, c'est ça ? C'est bien ça. Mais j'ai des informations en or, je sais tout. Anthony, par contre, toi, je ne sais pas, tu nous fais culture. Ah, tu vois, c'est toujours la petite surprise du vendredi. C'est ça, et tu nous parles de quoi ? Alors ce soir, on va parler de danse et de ballet. D'accord, voilà. Ça marche. Joli programme. Et puis on finira avec Evie. On aura commencé dans les médias, on finira avec les séries. Et c'est quelle série dont on parle ce soir ? Je vais vous parler d'une série qui s'appelle New Girl et je vais vous parler plus généralement des séries dites amicales. D'accord, les friendly séries. Voilà. Bon, je dis ça comme ça. C'est pas mal. Ouais, c'est sympa. J'y aurais pas pensé moi-même. Je suis fort en anglais, enfin, je trouve. Allez, je me lance des fleurs. J'arrête tout de suite, on va commencer l'émission. Jason, on fait un topo média. Dis-nous tout, qu'est-ce qui se passe dans le PAF ? Et on va commencer avec M6 qui va diffuser The Island, seul au monde. Alors, c'est un documentaire d'aventure montrant la survie sur une île déserte de 13 hommes pendant 4 semaines. Alors, ce programme sera diffusé en prime time sur M6 et ne comportera ni équipe, ni concurrence, ni épreuve. C'est pas un jeu d'aventure, c'est bien un documentaire d'aventure. Et pour survivre, les 13 participants disposeront de 3 couteaux, 3 machettes et 3 bidons de 10 litres d'eau ainsi qu'une trousse de secours. Et pour tout le reste, eh bien, les candidats devront se débrouiller par eux-mêmes. Alors avant de partir, ils ont quand même reçu une formation à la survie, sinon je pense qu'ils ne survivraient pas longtemps. Tu m'étonnes. Et la particularité de ce programme, c'est que les participants n'auront aucun contact avec la prod et se filmeront eux-mêmes. Et là pareil, ils auront des caméras, des petites GoPro pro sur eux, et là pareil, ils ont reçu une formation pour bien cadrer, pour d'accord, avoir des images intéressantes quand même. Donc c'est bien un documentaire et non pas un jeu, c'est sur M6. Ah ouais, ça c'est sympa, ça veut dire qu'ils vont pas se faire des coups fourrés pour essayer, voilà, de s'éliminer quoi. Il n'y a pas de stratégie, y a okay, rien. Cool. Jani Longo au casting de Dropped. Alors Dropped, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nouveau jeu d'aventure qui va arriver bientôt sur TF1. Il y aura 2 équipes de 4 sportifs qui s'affronteront sur des épreuves d'orientation, et on vient d'apprendre cette semaine que la cycliste Jani Longo fera partie des 8 sportifs qui participeront à Dropped, le jeu d'aventure de TF1. Il y aura également la nageuse Camille Muffa, le boxeur Alexis Vastine, le nageur Alain Bernard et le footballeur Sylvain Wiltord. Ça, on le savait déjà. Et la prod cherche encore 3 sportifs avant de débuter les tournages de ce nouveau jeu d'aventure. Voilà, si... Jason, on sait ce que tu vas faire. Ils veulent un sportif. Je suis pas sportif professionnel, je suis même pas sportif. Mais si, je t'ai vu jouer au foot, futur champion du monde 2022. Bon, en tout cas, s'il y a 3 sportifs qui veulent participer, il faut contacter TF1. La nouvelle chanson qui fait polémique, c'est celle des Enfoirés. Ah oui. Elle est intitulée Toute la vie. Et la chanson a été écrite par Jean-Jacques Goldman et elle ne plaît pas à tout le monde. Certains parlent d'un titre anti-jeune. Et c'est vrai que parfois, ça peut porter à confusion quand on analyse un peu cette chanson. Par exemple, dans le clip, on voit d'un côté les adultes, donc les Enfoirés, qui sont opposés aux jeunes. Ce sont des anonymes. Et on a les jeunes, par exemple, chantent « Vous avez dépensé, raté, pollué ». Et les adultes répondent « Je rêve ou tu es en train de fumer ». Donc une réponse qui a absolument rien à voir avec la phrase qu'ont dit les jeunes avant. Donc on a d'autres phrases, quand les jeunes chantent « Vous avez tout, l'amour et la lumière », les adultes répondent « On s'est battu, on n'a rien volé », sous-entendu que les jeunes, eux, ne se battent pas, etc. Une dernière, quand les jeunes chantent « Nous, c'est chômage, violence et sida », les adultes répondent « À vous de jouer, mais faudrait vous bouger ». Là, pareil, les jeunes ne se bougent pas, apparemment. Effectivement, et ça, c'est sujet à polémique, voilà, ce texte. Mais en même temps, moi, je peux pas en vouloir à Jean-Jacques Goldman, hein, il bosse gratuitement, alors il peut faire des cacahuètes, hein, des fois, quand même. Oui, mais c'est quand même une mauvaise interprétation de notre part. Il a quand même répondu, il a dit « Les Enfoirés jouent le rôle des adultes qui leur répondent comme trop souvent en se dédouanant et avec mauvaise foi, mais en espérant qu'ils feront mieux ». Donc c'est vraiment, c'est pour dénoncer ces adultes-là qui répondent avec mauvaise foi. Voilà, en fait, c'est plus ou moins ironique, donc c'est fin de la polémique. C'est quoi. Comme par exemple un sketch, Jérémy Ferrari, pour prendre l'exemple, il joue un personnage, il joue le personnage raciste par exemple, pour dénoncer le racisme. D'accord. Là, c'est un peu pareil avec cette chanson. Une dernière info, c'est la mauvaise info de la semaine, c'est Pascal Brunner qui est mort. L'animateur de télé Pascal Brunner est mort hier soir à Nice des suites d'un cancer. Il est mort à l'âge de 51 ans, pardon, et c'était l'animateur phare de Facile à chanter sur France 3 à l'époque de 1994 à 1998. Il nous a quitté cette semaine. D'accord, mais c'est pas forcément connu du grand public ce présentateur là, mais j'imagine que le PAF est en deuil. C'est donc ça. On s'associe dans ces circonstances là. Merci beaucoup en tout cas Jason pour ce topo média, et puis tout de suite on va vous donner un bon plan étudiant. Menu étudiant, 19h30, 20h. Et ce bon plan étudiant, c'est Rabia qui nous le propose. Alors, dis-nous tout, il paraît qu'on a un bon plan sous la main. Exactement, c'est le Pack Office 365 éducation 100% gratuit pour les étudiants. Microsoft offre désormais à tous les étudiants et le personnel enseignant la possibilité d'accéder gratuitement au Pack Office 365 éducation qui comprend Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access. C'est un super bon plan qui devrait pas mal profiter aux étudiants puisqu'il aurait offert jusqu'à l'obtention de leur diplôme. S'ils l'ont. Ouais. Avis sinon. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de vous rendre à l'adresse qui suit afin de vérifier si vous êtes éligible. Cependant, pour justifier de votre statut étudiant, vous devez renseigner l'adresse email fournie par votre établissement scolaire http.2. Ouais, alors c'est compliqué, c'est produce.office.com/fr-fr/student. Mais en gros, vous retrouverez l'adresse sur internet très facilement. En gros, l'adresse qu'il faut renseigner, c'est votre adresse qui finit par univ.univers. Enfin, etu-univ.lorraine ou quelque chose comme ça, non? Voilà, c'est ça. Alors il y a 100 gigas de stockage sur le cloud qui est offert en plus, donc ça c'est plutôt cool. Comment on fait pour la suite, Rabia? Vous pouvez ensuite déployer votre licence sur 5 ordinateurs différents maximum et aussi télécharger et utiliser les applications Office disponibles. Vous aurez en plus l'accès à Teraoctets, 1000 gigaoctets d'espace de stockage dans le cloud. C'est désolé, juste j'ai énorme. Pas l'habitude hein, des termes informatiques. Puis en même temps, des trucs comme ça, c'est un petit peu déconcertant parce que 1 tera, c'est juste monstrueux quoi. Moi, c'est génial. Moi, ça m'arrange pour mes études, ça. C'est cool. Vous pourrez alors profiter pleinement de toutes les fonctionnalités du Pack Office et faciliter vos travaux de groupe ou vos recherches. Cependant, pour profiter de cette offre, il faut être âgé de plus de 13 ans. Bah oui, quand même. Quand même. Et avoir un accès à Internet aussi. Donc voilà, ils sont quand même super sympas chez Office. Ils nous font un bon petit cadeau, c'est cool. Bah oui, quand même. Mais aujourd'hui, j'ai lu dans le Figaro qu'il y a une jeune fille de 10 ans qui a obtenu sa licence en mathématiques. Normal. Ah ouais, pas mal. Elle n'a pas le droit au Pack Office, elle. Qu'elle attend. Elle est encore. Ouais, mais ça, c'est quand même. Mais elle a pas un cerveau de quelqu'un qui a 13 ans, en tout cas, hein, voilà. À mon avis. Je pense qu'il y a des dérogations qui existent pour elle. Merci beaucoup, Rabia, pour cette chronique sur le Pack Office 365 qui est gratos pour les étudiants, c'est plutôt cool. Allez, on fait une petite pause musicale, on écoute Algie avec Left and Free et on revient juste après. Hey shady baby, I'm hot like the prodigal son. Big a battalini, mini, money, mo and flower, you're the chosen one. Feel your left hand's free. like the prodigal son. Pick up a delini, meeny, money, moe, and flower, you're the chosen one. Moi, le resto U, je pensais pas que j'aimerais. C'était ma première fois hier soir et ça m'a plu. Essayer le resto universitaire, c'est l'adopter. Hashtag, je mange au rue. Nous sommes de retour dans le menu étudiant et on a encore plein de bonnes nouvelles. Vous aviez le bon plan de Rabia juste avant, et ben moi j'ai le bon plan de Fadjet. C'est pour le vendredi 6 mars, puisqu'il y a la SNL qui joue au stade Picot. Ils reçoivent le stade Lavallois à 20h. Alors nous, on est comme ça. On vous offre deux places pour aller supporter les Rouges et Blancs qui ont gagné 6-0 la dernière fois quand même. Ça vaut le coup si jamais ils remettent le couvert, ça serait plutôt sympa. Donc voilà, pour ça c'est tout simple. www.fadjet.net rubrique jeu. Et vous avez jusqu'au 4 mars, mais en même temps, si vous le faites dès ce soir, c'est fait. Voilà. Je vous conseille d'aller faire un tour parce qu'on a pas mal de jeux, notamment l'ASPTT Handball pardon, et le VNVB. Donc voilà, c'est la période cadeau, on est sympa en ce moment chez Fadjet, profitez-en. Et puis il y a d'autres cadeaux qui arrivent, et ça c'est dimanche parce que c'est la zone de gratuité. Alors j'arrive pas à comprendre, Edison, comment tout peut être gratuit au Conseil Général. Bah en fait c'est simple, c'est au Conseil Général, en fait c'est à l'initiative des associations Entraide 54, et c'est une zone de gratuité en fait, une zone de convivialité où tout le monde peut ramener des choses dont ils n'ont plus besoin, et en retour prendre d'autres choses. C'est pas vraiment du troc en fait, parce que vous déposez ce que vous n'avez pas besoin, et il y a plein de gens qui ont déposé ça, et vous prenez ce que vous avez besoin ou ce dont vous trouvez que vous allez avoir un usage. Alors en fait, la différence avec le troc, c'est que là tu peux ramener tout ce dont tu n'as plus besoin, et puis prendre ce qui t'intéresse. T'es pas obligé de faire un échange en fait. Ouais, il n'y a pas d'obligation d'échange en fait. Tu déposes ce dont t'as plus besoin, et il y a des gens qui ont fait pareil, et tu prends ce dont t'as besoin. C'est une belle solution contre le... Enfin, une solution éco-responsable, contre, quoi. Contre le gaspillage, en fait. Et en plus de ça, il y a une zone de transformation lors de cette journée, en fait. C'est-à-dire, si vous avez des objets que vous pensez n'être plus utiles et que des personnes avec un système D ou arrivent à faire revivre, par exemple, des chaussures pour transformer en pot en fleurs ou... Ah ouais, ça existe, ça. C'est toi qui viens de l'inventer, ça, ouais. On est d'accord. Bah ouais, je viens de l'inventer, mais c'est pour le bricolage aussi. Hein. Ouais, voilà, c'est tout ça en fait. Plein de trucs de bricolage. Il va y avoir des petits stands, la présence de petits stands en fait, de personnes chargées de ça. Et vous ramenez des choses, je sais pas, un pantalon que vous voulez transformer en chemise. En tablier. Et vous montrer comment on le fait. Ça, c'est bien. Si on amène un Edison, qu'est-ce qu'il nous fabrique? Ah, je sais pas. Un Brad Pitt? Non, je sais pas du tout. Ouais, peut-être, pourquoi pas. Ah, ce serait bien. Ce serait pas mal. Non, mais alors, c'est le vrai bon plan de ce dimanche. D'ailleurs, Radio Fadjet, il sera par ton intermédiaire. Et puis, en plus, aura un stand. Donc voilà, vous apportez tous les objets qui peuvent être encombrants pour vous et qui ont plus d'utilité et qui peuvent être utiles aux autres. Et puis, avec un petit peu de débrouille, eh ben, il y a moyen d'en faire quelque chose de très utile. Et voilà, tout ça se tient ce dimanche au Conseil Général, rue Blandon, à Nancy. Et c'est de 13h jusqu'à 18h. D'accord. Et tout le monde peut venir, je veux dire, Tout le monde peut venir, il n'y a aucune limite d'âge, sauf pour les très vieux qui peuvent pas marcher, quoi. Ouais, d'accord. Là, c'est pas le Conseil Général qui indique. Non, tout le monde peut venir, déposer ce qu'ils veulent et puis prendre des choses s'ils en ont besoin, mais il faut bien dire que c'est pas du troc. Vous n'êtes pas obligé de ramener quelque chose pour pouvoir prendre quelque chose. Si vous venez, vous avez rien à ramener, vous pouvez prendre quelque chose toujours. Ouais, c'est une belle initiative quand même. Mais en plus, on a tous chez nous des trucs dont on se sert plus et qu'on accumule et qu'on jettera un jour, alors que ça peut avoir une deuxième utilité. Ouais, je suis d'accord. Par exemple, ta Play 3, tu peux la ramener. Alors moi, j'en suis resté à la Super NES, tu m'en voudras pas et je vais la garder. Mais voilà, donc ça se passe dimanche au Conseil Général de 13 à 18, c'est ça? Ouais, c'est bien ça, ouais. C'est ça. Et aussi, il faut noter aussi la présence de théâtre forum participatif à partir de 15h30. Ça, c'est un concept que Fadjet connaît bien, le théâtre forum participatif. Ouais, c'est pas ça. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup, Edison, pour ce deuxième bon plan de la soirée. On en a plein, c'est fou. On en a sous le coude. En veux-tu, en voilà. Et d'ailleurs, Anthony a un bon plan, mais c'est un bon plan culture. Alors, de quoi on va parler ce soir? Ouais, alors, le bon plan culture, j'ai un peu regardé ce qui se passait à Nancy, à l'Opéra et à la Salle Poirel, etc., ces prochaines semaines. Et vu que rien ne m'a plu, je suis allé chercher un peu plus loin. D'accord. Donc, cet événement, ça se passera à l'Opéra de Metz. Pour le coup, c'est la première fois que j'en parle depuis le mois de septembre de l'Opéra de Metz, donc c'est bien aussi. Oui, non, mais c'est vrai, il faut pas dénigrer le fait qu'il y a des opéras super chouettes à Metz. Clairement. Exactement, même si c'est des moins grosses productions puisque c'est pas un opéra national comme on a à Nancy. Mais, d'accord. Et même si c'est à Metz, quoi. Oh, le chauvin. Hein. On va pas rentrer dans ces débats-là. Mais sinon, donc, le 13 et le 14 mars à 20h et le dimanche 15 à 15h, il sera présenté le Roméo et Juliette de Sergueï Prokofiev, qui est un ballet. Donc un ballet, c'est un orchestre et des danseurs sur scène, il n'y a pas de chanteur. Enfin, en règle générale, il n'y a pas de chanteur. Donc là, c'est un ballet en trois actes, donc basé sur la célèbre pièce de Shakespeare, qui a été composée en 1935 et créée en 1938 en Russie. La direction, donc c'est l'Opéra National de Lorraine qui jouera, et il est dirigé par Jacques Mercier comme d'habitude. La chorégraphie a été donnée à Valentina Turcu, et donc c'est le corps de ballet de l'Opéra de Metz qui sera sur scène et qui dansera. Donc pour la petite histoire du ballet, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est vraiment qu'un ballet. Et moi le premier, je ne sais pas exactement. Et du coup, vu que j'avais anticipé ta question, j'ai préparé quelque chose. Super. Donc le ballet, c'est un genre dramatique qui naît en France à la cour de Louis XIV, avec des compositeurs comme Lully ou Rameau. Et en fait, à cette époque, le ballet, donc c'est des petites scènes de danse, mais qui sont intégrées dans un opéra en fait. Donc il y a beaucoup de scènes chantées, et au milieu de l'opéra ou au début, il y a toute une séquence qui va être simplement dansée. Ensuite, le ballet qui va être intégralement dansé, où il y aura plus de chanteurs, il apparaît avec les compositeurs russes du 19e siècle, et ils donneront des œuvres parmi les plus belles de l'histoire de la musique. Quand on parle de ballet, on peut forcément pas passer à côté de Tchaïkovski et de son Lac des Cygnes. Le plus connu. Voilà, enfin, Casse-Noisette, etc. Donc voilà, c'est peut-être le compositeur de ballet le plus connu, quand on parle vraiment de ballet intégralement dansé. Ensuite, c'est en France qu'un compositeur russe va faire de nouveau exploser le ballet, c'est Igor Stravinsky. Que tout le monde connaît aussi, qui composera donc L'Oiseau de Feu, Petrouchka et Le Sacre du Printemps, qui, c'est son œuvre la plus connue en 1913. Et donc enfin, Le Roméo et Juliette de Prokofiev s'ajoute à cette liste de grands ballets qui, tant musicalement que dans la chorégraphie, sont vraiment des chefs-d'œuvre. Dans tous ces ballets, il y a des airs qu'on connaît tous. Tout le monde connaît un peu des airs du Lac des Cygnes. Dans Roméo et Juliette, ça va être la scène du bal. Si vous allez sur YouTube écouter la scène du bal, vous direz que vous avez déjà entendu ça quelque part. C'est obligé. Notamment dans les musiques de pub qui reprennent souvent les meilleurs morceaux de musique classique. Ouais, exactement. Et donc Prokofiev, pour parler un peu du compositeur de ce ballet Roméo et Juliette, donc il est né en 1891 et mort en 1953. Pour la petite anecdote, il est mort le même jour que Staline. Ah ouais, ok. Donc il y en a un que c'était une grosse perte et l'autre pas du tout. Je vous laisse juger lequel. En sachant que j'adore ce compositeur, on aura bien compris que t'aimes pas Staline comme la plupart des gens. Donc Prokofiev est un compositeur, chef d'orchestre et pianiste russe. Il étudie l'orchestration avec Rimsky-Korsakov et la composition avec Anton Liadov au conservatoire de Moscou. Ça vous dit peut-être rien ces deux noms-là, mais c'est deux grosses pointures de la musique romantique russe au 19e siècle. Et il joue l'une de ses premières compositions et Stravinsky est dans la salle. Donc pareil. C'est quand même des jugements de... Voilà, c'est des bons juges, quoi. Ouais, c'est ça, c'est du haut de gamme. Donc voilà, Roméo et Juliette de Prokofiev à l'Opéra de Metz, le 13 mars à 20h, le 14 mars à 20h et le 15 mars à 15h. Alors, petite question piège, est-ce qu'il y a les tarifs de dernière minute là-bas aussi ? Il me semble pas, parce que j'ai regardé, même les tarifs réduits, c'est super compliqué. Ils ont une liste longue comme le bras et avec des conditions d'accès qui sont... c'est un peu illisible. D'accord. Donc... mais je pense pas qu'il y ait de tarif de dernière minute là-bas. Non, faut se renseigner sur le site internet. Eh ben merci beaucoup Anthony. Ah tiens, si j'ai une petite dernière question quand même. La petite différence, comment tu nous expliquerais la différence justement entre un ballet et une comédie musicale ? Déjà la comédie musicale, il y a des chanteurs. Donc ce serait plutôt entre une comédie musicale et un opéra à la limite. Ouais. La différence c'est que comment dire ? La comédie musicale, en fait, ça va être plutôt un mixte entre les deux, puisque par exemple dans l'opéra où il y a des ballets, quand il y a les danseurs, il y a pas les chanteurs, et quand il y a les chanteurs, il y a pas les danseurs. D'accord. Alors que dans la comédie musicale, les deux fusionnent sur scène en fait. D'accord. Bah voilà, je mourrai trois fois moins bête ce soir. Allez, pour te remercier, je te passe un petit coup de Bob Marley avec Three Little Birds, comme ça au moins on sera quitte. Et puis on se retrouve juste après pour parler série avec Evie. Étudiant, 19h30, 20h. Merci de nous rejoindre. Si vous êtes en train de prendre la radio à cours de route, et sachez, en cours de route c'est mieux, sachez que vous êtes dans le menu étudiant sur Fadjet 94.2 FM. Et il nous reste la chronique d'Evie sur les séries. Et tu nous as dit qu'on avait parlé des séries un petit peu friendly. Voilà, c'est ça, les friendly series, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure. Alors moi j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez quelle est la recette pour qu'une série tout simplement fonctionne? Alors... faut qu'elle soit drôle. Ouais. Faut de l'amour. Oh oui. Du sang. Romantique. Ah non, pas forcément, non. Il oh. n'y a pas de sang dans Friends. Des belles personnalités. Des bons personnages. Ouais, des bons personnages, exactement. Et tout ça, en fait, on les retrouve dans des séries qu'on appelle des friendly series, comme l'a très bien dit Flo, ou des séries tout simplement amicales, c'est-à-dire centrées sur un groupe d'amis. Et la formule idéale, c'est un lieu emblématique qu'on associe directement à la série. Le Central Perk. Voilà, par exemple, une bande de potes avec des personnalités différentes. Et tout ça, ça donne une série, bien entendu, à succès. Alors moi aussi, j'ai un petit historique sur les séries, parce que c'est pas que un moyen assez moderne. C'est aussi, ça remonte quand même à un certain moment, une certaine époque, je ne trouve plus mes mots, c'est la fin de la semaine, pardon. Et donc, avant les séries sur les groupes d'amis, il y avait les séries familiales que l'on retrouvait un peu à la Madame est servie, avec j'ai plus d'idées comme ça, comme Sept à la maison, voilà. Ted Bundy. Voilà, exactement. Et ces séries-là, elles ont fonctionné jusqu'à peu près les années 90. Et la première grande série vraiment basée sur un groupe d'amis, c'était bien entendu Friends. C'est Friends, bien entendu. Je pense que ça a eu en plus. Ouais, on sort du cadre familial idéal. idéal avec la religion et tout ça, et on se concentre plus sur un groupe d'amis avec des profils complètement différents. On les met dans un appartement, dans un lieu emblématique, on raconte un peu leurs galères de la vie, leurs amours, tout ça, et on a une série mythique qui dure 10 ans, 10 saisons, quoi. Donc Friends, c'est la base des séries basées sur les garçons en France aussi, non? Ouais, mais ça a moins marché quand même, hein. Ah, ça a eu son petit carton quand même, hein. Donc on a eu Friends, oui, vite fait quand même. Non, en Europe, dans le monde, si, c'est quand même un bon moment quand même. Ouais, vite fait. Les bon, c'est pas parce que t'as pas aimé. je regardais, mais tu demanderas aux Américains s'ils connaissent Hélène et les gars. Ah, je ne suis pas d'accord. Sûr. Alors, on n'est pas sur la même échelle de valeur, ouais, là aussi. Donc on a eu Friends, plus tard on a eu aussi How I Met Your Mother qui a fini l'année dernière. Et moi j'ai envie de vous parler d'une série qui est un peu dans le même ton qui s'appelle New Girl. Alors là on change un petit peu, le héros principal c'est une fille. Qui s'appelle Jessica, qui habite à Los Angeles et qui se retrouve à vivre en colocation avec trois autres garçons un peu barrés quand même après une rupture. Et donc la série va un peu raconter l'histoire de cette jeune femme qui se retrouve à je sais pas quel âge, 25-26 ans, à se retrouver en colocation avec des avec inconnus. Trois gars, ouais, des ça inconnus, doit être voilà. Sacrément sympa comme truc. Donc au niveau du cast, on a Zooey Deschanel qui est la sœur de Emily Deschanel à l'affiche de Bones. Zooey Deschanel qu'on a pu voir dans 500 jours ensemble et qui est aussi la chanteuse du groupe She and Him. C'est un groupe assez sympa. Je vous invite à écouter. Et donc, elle campe le rôle de Jessica Day, une instite décalée et la seule fille de la colocation. Au niveau de ses colocataires, on a Jake Johnson qui joue Nick Miller, le barman licencié de la fac de droit mais qui ne fait absolument rien de sa vie. Max Greenfield dans le rôle de Schmidt. Alors, on ne sait pas si c'est son prénom ou son nom de famille. Il s'appelle juste Schmidt. Voilà. Dans le rôle du commercial dragueur assez efféminé et assez sympa, je trouve. Lamorne Maurice dans le rôle de Winston Bishop, ancien joueur de basket complètement barré aussi. Anna Simone dans le rôle de la meilleure amie d'enfance de Jessica. Et enfin, Jamin Wayans Jr. qui est dans le rôle de coach, qui devient un personnage principal dans la saison 4, donc qui est diffusé en ce moment. Dis pas tout. Et donc on a donc ce groupe de 6 personnages vraiment assez intéressants avec des profils très très démarqués. Au niveau du casting, même si on connaît pas trop les acteurs, on a vraiment un casting efficace, des acteurs vraiment très bons. Et au final, on a l'histoire de Jess qui se retrouve à vivre avec ses 4 garçons et il leur arrive des trucs complètement déments les uns aux autres. Donc on reste bien entendu dans la série d'amis avec les tracas du quotidien, les amours, la relation avec les parents, vivre en colocation, dans une grande ville, tout ça. Et on n'est peut-être pas au niveau de Friends ou de How I Met Your Mother, mais c'est une série avec où on peut avoir des bonnes références, on peut se taper des bonnes barres, et c'est une série qui détend l'esprit. Alors du coup, je vais en profiter rapidement pour lancer un mini débat entre Friends, How I Met Your Mother, New Girl. Déjà, quelle est votre série préférée sur les groupes d'amis? Et enfin, est-ce que vous pensez que cette formule idéale sur les groupes d'amis, ça peut continuer, c'est une recette pour succès, ou vous pensez que comme les séries familiales, ça va vite s'estomper? Alors, je pense juste qu'on aura le temps de répondre à une seule question qui est quelle est votre série préférée, mais on va se la faire quand même. On commence par toi, Jason. Alors moi, c'est aucune des trois, mais ça reste dans le même sujet, c'est The Big Bang Theory. Ah, bah, pareil, j'allais le dire. Voilà. J'allais le dire, mais c'est pareil pour moi. Big Bang Theory. Ouais. Edison? Friends. C'est la base. Moi aussi, ça serait Friends. Toi, Rabia? Friends, j'ai adoré Friends. Bon, on a trois Friends, alors là, c'est toi qui vas trancher. Moi, c'est Friends aussi, je suis désolée. J'adore le Big Bang Theory, mais Friends, c'est la base. Ouais. J'avoue, c'est la base. Il y avait aussi Art le Cœur à Vif, mais si on fait tout, on n'aura jamais le temps. Mais c'est vrai que c'était un bon délire. Et c'est maintenant la fin de cette émission, donc on va devoir vous laisser. Parce que 20h approche, d'ailleurs, c'est dans 30 secondes pile. Et juste le temps pour moi de vous dire qu'on vous laisse sur la programmation de Fadjet, avec de quoi vous orienter vers un week-end assez festif. Effectivement, ça sera une programmation dance ce soir. De Code for Kids, c'est Epitech qui est à la base de tout ça. Et on parlera du raid de l'université, c'est un projet STAPS. Donc ça, c'est la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous dans le menu étudiant. Et bonne soirée sur Fadjet. Ciao.